Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. J'ai pas les pas pour la rumba congolaise. J'ai pas les pas pour le mambo. J'ai pas les pas et pour le twist. Non plus pour la biguine. J'ai pas les pas pour la bourrée auvergnate. J'ai pas les pas pour le marche ou crève. J'ai pas les pas et ton amour. Je l'ai plus, mais pour le rock and roll, j'ai les épaules. Le rock and roll, pour le rock and roll, j'ai les épaules. Le rock and roll. J'ai pas les pas pour le boogie woogie. J'ai pas les pas pour le tous ensemble. J'ai pas les pas et pour le jerk. Non plus pour la samba. J'ai pas les pas pour le cha cha cha. J'ai pas les pas pour le 14 juillet. J'ai pas les pas et ton amour. Je l'ai plus, mais pour le rock and roll, j'ai les épaules. Le rock and roll, pour le rock and roll, j'ai les épaules. Le rock and roll. Ce soir, Radio Le Zinc, sur l'attrait Le Cadre Radio Val de Rhin, va faire dans l'estampillé, dans l'habitué, mais pas dans le conventionné. Tous les artistes de ce soir échappent à la lumière, mais rien de grave, la lumière est en eux. Dans ton sommeil le plus profond, tu croises tes yeux rougis, ce qui te réveille dans un bond et te jette au sol glacé de la nuit. Et tous les rêves et les cauchemars brisent tes seuls moments de trêve. Tes journées sont drapées de noir et ton espoir est en grève. Respirer ton seul exutoire, la routine en replay de ta vie. Tu te fuis dans des claves illusoires, tu sais que tu n'es qu'en sursis. T'as vendu ton âme à l'ennui quand le désir te défie. Que reste-t-il de ta furie au vestiaire quand la fête est finie? Dans nos heures de voltige, figé dans les matins d'été. Si le ciel enfin se fige, si le temps nous s'est compté. Dans nos heures de dérive, où est le bonheur de s'aimer? Je voulais tellement apprendre à vivre, je me suis noyé dans ma bouée. Je voulais juste poser ma tête et m'envoler par la fenêtre. Prenez ma vie comme une abîmelette. Elle se glisse dans ta tête, elle s'accroche à ton âme et demeure avec sa flamme.

petit. La bonne femme aussi, c'était dit, c'était dit. On change de pays, il paraît, paraît-il, que dans d'autres pays, les bonhommes tout petits, ça va au paradis. Pardi, mais là, petite bonne femme et le petit bonhomme, ça va pas au paradis, ça va planter des radis et des patates aussi, aussi, aussi, aussi, c'est si haut. 1, 3, 2, ils vécurent à deux, se sont dit tous les deux, si c'est aussi haut qu'on le dit. Le bonhomme tout petit, la bonne femme aussi, c'était dit, plantons nos radis. Des textes en français, des histoires passionnantes, voire marrantes. Merci à tous ces beaux artistes qui illuminent nos grises vies. Envoie du rose, Christophe. Oh rose, comme s'en vont les choses roses, les amis que l'on a bien connus roses, les bleus dont on ne veut plus. Oh rose, quand les fleurs un jour éclosent rose, parfois elles explosent rose. Tu vois, je t'aurais bien prévenu. Oh rose, comme pleuvent les écumoses roses, parfois j'ai un cœur à blouse rose, parfois il n'en peut vraiment plus. Oh rose, si un jour je t'indispose rose, si un jour vient l'overdose rose, fais comme si tu n'avais rien vu. Oh rose, quelles qu'en soient les conséquences rose, même si le ciel nous tombe dessus rose, j'adore tellement les causes vertueuses. Jamais ne devient morose rose, tout s'est fané un soir rose, tout s'est flétri, tout s'est perdu. Oh rose, si un jour je t'indispose rose, on lira un beau fait d'hiver rose, taillé sur ton dos nu. Oh rose, comme s'en vont les choses roses, les amis que l'on a bien connus rose, les bleus dont on ne veut plus. Comme tous les jeudis à partir de 17h au 104.6, vous écoutez Radio Lozinque sur RVR. qui réveille de son écho brisé, l'ouragan qui sommeille dans mes veines oxydées, et nos regards prémis, le jeu de la pudeur, quand par manque d'habitude on se méfie du bonheur. Baby boy, sweet baby boy, my baby boy, my baby boy, sweet baby boy, my baby boy, my baby boy. Oh my son of the wind, septembre rose d'amour apothéose, baby boy, passer les cruautés du théâtre organique, tu retournes apaisé vers ta foule onirique, où les miroirs d'automne reflètent ta fleur de flamme, ta jeune écorce d'homme éclaboussée de femme. Baby boy, sweet baby boy, my baby boy, my baby boy, un rayon sur ce grand magasin. J'attends sur ce rayon depuis la Saint-Glinglin. Personne ne veut de moi, et pour cause, qui voudrait d'un soldat rose, qui voudrait d'un soldat, d'un soldat rose. Les garçons n'aiment pas ma couleur de danseuse, et les filles disent pouah devant ma mitrailleuse. Bienvenue mon petit gars, faut que je te dise quelque chose. On m'appelle le soldat, on m'appelle le soldat rose. Je me névrose, manquillose, ma sclérose, quelle psychose. Tout n'est pas vraiment rose dans la vie d'un soldat, soldat rose. À verre dense, dès qu'il m'ose, rend ma prose bien morose. J'ai écrit tout est noir dans ma vie de soldat rose. J'en connais un rayon sur ce grand magasin. Les poupées de chiffon, les puzzles et les trains. Tout là-bas, la peluche est comble du grandiose. Un flamand comme moi, rose, un flamand comme moi, un flamand rose. Je me névrose, manquillose, ma sclérose, quelle psychose. Tout n'est pas vraiment rose dans la vie d'un soldat, soldat rose. À verre dense, dès qu'il m'ose, on m'approche bien morose. Tout est gris, tout est noir dans ma vie de soldat, soldat rose. Personne ne veut de moi, et pour cause, qui voudrait d'un soldat rose, qui voudrait d'un soldat. Moult groupes et artistes sont-elles des papillons, à peine sortis de leur chrysalide. Ils ne connaissent qu'une vie éphémère, mais leurs traces restent persistantes, et nous pouvons en jouir à volonté, longtemps après leur fin.

pied sec. Et j'ai beau défricher, j'ai beau dissoudre, je me disperse. Nostalgique de ce qui ne sera plus, de ce qui ne sera plus.

chiche. Deus, Deus, c'est le nouveau Deus. Je suis Toto, je suis Total. Totalement perdu, sans étoile. Comme un oiseau dans le gasoil, un albatros sans idéal. Je suis Toto, je suis Total. Totalement perdu, sans étoile. Comme un oiseau dans le gasoil, un albatros sans idéal. Nos capitaux, le capital. Nos capitaux, le capital. Nos capitaux, le capital. Nos capitaux, le capital. Un petit homme tordu sur un sentier tout tordu a trouvé une pièce tordue sur une pierre tordue. Achète un chat tordu, prend une souris tordue. Tous ensemble, ils ont vécu dans une petite maison tordue. J'ai 10 ans dans la gare de Nantes, ma petite comme l'eau. Avec le temps, les passantes, faut pas que je loupe mon vélo. Cette ère n'est pas née d'aujourd'hui. A message to you, Rudy. Les loups sont entrés dans Paris, comme au tout Marie-Lou Mélodie. Could you be love? Could you be love? Avec Denise. Elle est à toi, cette chanson, la chanson de Prévert. Ce soir, mon petit garçon, y'a de la rumba dans l'air. Je suis amoureux de tout un pensionnat, y'a des allumettes au fond de tes yeux. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête, je vais faire du feu. Could you be love? Could you be love? Avec Denise. Le soleil est bas, le soleil est bas. Le temps des cerises. Entre le jazz et la java, dansez sur moi Lily Marlène. Jimmy Jazz, Malavida, j'en ai vu pousser des rengaines. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Sarah, Lily, Lola Rastaquer, je chante pour passer le temps. Could you be love? Could you be love? Avec Denise. Le soleil est bas, le soleil est bas. Le temps des cerises. 19 degrés au chaud, on my radio. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau. Manque de classe with my pince à vélo. Porque te basse comme un petit coquelicot. Daddy was a bank robber. Mon oncle infâme, bricoleur. Allons voir si la rose pull up to the bumper. Planète claire à Spinker. Could you be love? Could you be love? Avec Denise. Le soleil est bas. Le temps des cerises. J'ai 10 ans dans la gare de Nantes. Ma petite est comme l'eau. Avec le temps, les passantes, faut pas que je loupe mon vélo. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Sarah, Lily, Lola Rastaquer, je chante pour passer le temps. Could you be love? Avec Denise. Le soleil est bas. Le soleil est bas. Le temps des cerises. Pour